de la croupière m'a toujours fait souffrir. Comme un chien en fourrière, je ne cherche qu'à sortir. Comprends bien ma chérie, que quand je dis sortir, je parle de mon état qui me transforme en satire. Boum, tu seras ma fusée. Zoom, sur tes seins dévoilés. Crac, je vais te faire décoller. Le sais-tu, je vais te faire pomper en cucu. T'es joli ma chérie, t'es joli le sais-tu. Je vais aller droit au but, je te prends pas le cul. Tirons le pénalty, t'es joli ma chérie. Ne me sers pas la soupe, ce temps je suis pas croûte. Je t'en prends un missile, je suis pas mal à vie. Et si j'ai pas trop bu, je te prends pas le cul. Je vais te faire apprécier mes bijoux de famille. Ce n'est pas qu'un décor, il te mettra un sort. Tu m'aimes? Je suis un choc comme Irène, mon Hélène. Sur ta nuque et malsaine. Ouh, je te sauve dans le cou, je vais où? Je ne suis que ton joujou. Bonheur, une goutte de sueur se dessine. Au creux de ton échine, ça m'émeut. Alors je m'insinue et à demi nu, je te fais pas pour cucu. T'es jolie ma chérie, t'es jolie, me sais-tu. Je vais aller droit au but, je te prends pour cucu. Si on le fait à ti, t'es jolie ma chérie, ne me suis pas la. Je t'envoie un missile, je ne suis pas malhabile. Et si j'ai pas trop bu, je te prends pour cucu. Je vais te faire apprécier mes bijoux de famille. Ce n'est pas qu'un décor, il te réserve un sort. Assez, tu mérites une fessée délacée. En tenue de soirée, clac. Sur tes fesses dévoilées, crac. Je me laisse même pas aller. Ouh, je vais te faire cligner, pan. Tu vas me faire suer, slurp. On va bien se sucer, t'es joli, le sais-tu? Je vais te faire pomper en cucu. T'es joli ma chérie, t'es joli, le sais-tu? Je vais aller droit au but, je te fais pomper en cucu. Je t'envoie un missile, je ne suis pas malhabile. Si j'ai pas trop bu, je te fais pomper en cucu. T'inquiète pas si ça frotte, chut. On dirait que tu zozes, oups. On dirait que tu as faim, oups. Ne t'arrête pas au frein, boum. Tu seras ma fusée, zoom. Sur tes seins dévoilés, crac. Je vais te faire décoller, le sais-tu? Je t'ai pas pour cucu. T'es jolie ma chérie, t'es jolie, le sais-tu. Je vais aller droit au but, je t'ai pas pour cucu. Tirons le pénalty, t'es jolie ma chérie. Ne me sers pas la soupe. Je t'envoie un missile, je ne suis pas mal habile. Et si j'ai pas trop bu, je vais pas pour cucu. Je vais te faire apprécier mes bijoux de famille. Ce n'est pas qu'un décor, il te reste un bon. Je suis un vrai sacripant, cartouche. Chaque fois je fais mouche, t'es jolie. T'es jolie, le sais-tu, sans un pli ma chérie. Je t'ai pas pour cucu. Pompon cucu! N'importe quoi!